un écrin de velours. Qui donc est passé me prendre mon amour? C'est terrible, on me l'avait donné pour toujours. C'est quelqu'un qui avait la clé, ou quelqu'un qui s'était égaré, quelqu'un qui connaissait le mieux le coup de foudre et puis adieu. Qui donc est passé voler mon amour? Moi qui ne le sortais jamais pour ne pas faire de jaloux. Qui donc est passé me prendre mon amour? Les gens n'ont plus de respect, ils se servent de tout. Quelqu'un qui en avait jamais vu, quelqu'un qui n'en a pas connu, il a trouvé le mien à son goût. Il a pris ses jambes à son cou. Il s'en est allé tout seul.